Caresse-toi. Some others need to watch the girl touch herself before fucking. Tu sais que c'est de la bonne avec tes gros nichons. Tu sais que c'est cochonne avec tes beaux jambons. Elles sont fermes, pas fermées, tes fesses. Ça, ils sont beaux, tes nichons. Ça, signe de l'amour. Signe de l'amour. Signe.